Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gémozo 107 FM pour cette nouvelle édition de l'Heure des Loups, la quotidienne en direct de 18h à 19h sur Radio Gémozo 107 FM. Et comme je l'avais annoncé hier soir et aussi tout à l'heure sur Facebook, l'émission de ce soir sera dédiée à la musique et pas n'importe laquelle. Les Polyphonies Corses, le groupe Jean-Paul Poletti et le chœur de Sartène qui seront en concert samedi 21 juillet à 20h45 à l'abbatiale de Remiremont. Il y a toujours des places à gagner, hein. Vous pouvez toujours déjà acheter vos places, mais il y a 10 places à faire gagner pendant l'émission de ce soir. Donc si vous voulez une de ces places, hein, vous pouvez appeler sans aucun problème à tout moment au 03 29 62 40 40. Mais je vais pas faire l'émission toute seule, dis donc. Donc je reçois mes invités de ce soir, donc Jean-Claude Bouvarel, bonsoir. Bonsoir Lou, et je suis très heureux d'être accueilli comme d'habitude et comme il se doit à Radio Gémozo, puisque ici la vocation de cette chaîne de radio, c'est une chaîne d'accueil et de fraternité, et ça, c'est incomparable. En effet, bah merci beaucoup, ce message me va droit au cœur, et bien entendu, qui dit musique, dit consultant musical. Bonsoir Mika. Salut Lou, bonjour à tous. Et bien entendu, bonsoir aussi aux auditeurs qui sont là tous les soirs, hein, qui font parfois certains retours. N'hésitez pas pour les plus timides, hein, je suis réceptive aux retours que vous faites sans aucun problème. En tout cas, si on est là ce soir, hein, c'est pour mettre en avant le groupe, hein, qui ne peut pas être présent ce soir à l'antenne. Mais toi Jean-Claude, tu les connais quand même un minimum, tu connais un minimum leur art. Donc tu seras là pour nous présenter le concert et le groupe en particulier, c'est bien ça? Absolument, et je suis très heureux de pouvoir les représenter parce que j'aime beaucoup la Corse déjà, du fait que j'ai eu des parents et des amis surtout corses, puisque j'y ai travaillé en tant que professionnel commercial notamment, de l'âge de 16 ans à l'âge de, on peut dire, 35-40 ans, quoi. Donc ça veut dire que je connais très très bien la Corse, et je trouve que ce sont des gens qui ont une façon très très particulière de parler de leur île, et surtout ils aiment les chants polyphoniques entre autres, et ce sont de très très bons chanteurs et de très bons musiciens également. On a eu quelques exemples par le passé de chanteurs que tout le monde a connu en France et a, je dirais, adulé. Le plus grand d'entre eux, c'était bien sûr Tino Rossi, mais là Jean-Paul Poletti et le chœur de Sartène, ce sont des gens à découvrir pour les Romarimontains et les Vosgiens, et même ceux d'autres départements adjacents, puisque la Lorraine est concernée et même d'autres départements limitrophes, oui, peuvent venir à ce concert exceptionnel. Il faut le savoir, en Lorraine et dans la région, c'est le seul concert de Jean-Paul Poletti cette année. Ah oui, donc il faut vraiment en profiter. Absolument. En effet, hein, et comme je le disais, c'est l'occasion ou jamais pour ce samedi 21 juillet à 20h45 à l'abbatiale Saint-Pierre de Remiremont. De toute façon, ce sera répété courant de l'émission. Oui. Donc on parlera plus tard du prix du billet, des capacités. Oui. Mais avant toute chose, tu peux peut-être nous présenter le groupe, donc Jean-Paul Poletti et le chœur de Sartène pour des polyphonies corses. Voilà. Alors Jean-Paul Poletti, c'est un Sartenais, c'est pour ça qu'il a pris comme nom le groupe Le Cœur de Sartène, parce qu'à Sartène, qui est une sous-préfecture de la Corse et qui se situe dans ce qu'on appelle la Corse du Sud, puisqu'il y a deux départements en Corse, il y a la Haute-Corse et la Corse du Sud. Donc Ajaccio, c'est la préfecture de la Corse du Sud, Bastia, c'est la préfecture de la Haute-Corse, et Sartène, c'est la sous-préfecture de la Corse du Sud, située à mi-chemin entre Propriano, Bonifacio et Porto Vecchio. Et alors là, vous avez cette ville qui est majestueuse, parce qu'elle est un petit peu en surplomb dans les montagnes. La Corse du Sud, donc, c'est le berceau, bien évidemment, de Napoléon, puisqu'il est né à Ajaccio. À Bastia, Pascal Paoli, qui était un petit peu un Corse d'une autre dimension. Et il y a toujours eu, depuis toujours, un certain antagonisme entre les Bastiais paulistes et les Ajacciens bonapartistes. Mais par contre, pour revenir à Jean-Paul Poletti, il a commencé en 1995, et ça a été pour lui une consécration dans le monde de la polyphonie corse, puisqu'il y a eu d'autres groupes de polyphonie corse très connus, comme Imouvrini par exemple, qui sont eux des chanteurs, mais qui s'accompagnent également avec des instruments de musique. Parce qu'il faut savoir qu'en Corse, l'instrument majeur de la Corse, c'est la guitare quand même. Oui. Mais il y a eu des groupes comme Regina et Bruno, etc., qui sont très très célèbres, qui ont chanté dans les années 50-60, et qui sont mondialement connus aussi. Hein. Alors, donc, revenons à Jean-Paul Poletti. Comme vos auditeurs ne le savent pas, en 1986, donc, il a été à l'Olympia, puis à Bourges l'année suivante. Ensuite, il a créé à Sartène une école de chant. Cette école est devenue depuis Centre d'art polyphonique de Corse, dont il est le directeur. Et il a reçu en 90 une victoire de la musique avec les Nouvelles Polyphonies Corses, avec qui il chante en ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville. Donc c'est quand même une belle promotion, parce que les Jeux Olympiques à Albertville, ça a été retentissant à l'époque. Et depuis, ben, maintenant, il chante ce qu'on appelle des canta la Corsica, ce qui veut dire qu'il chante la Corse, pour faire connaître la Corse, non seulement aux gens qui aiment, bien sûr, venir en vacances sur l'île dite de beauté, mais en réalité, il prône cette Corse qui est pour lui son pays de naissance. Et puis, comme il est sartenais, donc, il défend énormément donc, la culture locale corse. Voilà. La culture locale corse qui est mise en avant déjà avec les polyphonies corse, hein, Jean-Paul Poletti et Le Cœur de Sartène qui sera en concert ce samedi à Miremont. On va peut-être se passer un petit aperçu, s'écouter un premier morceau. Qu'est-ce que tu en dis, Jean-Claude ? Ah, ça serait une très bonne chose, de façon à ce que vos auditeurs puissent découvrir ou redécouvrir la polyphonie. En effet, corse. Et on va s'écouter. Alors, les morceaux qu'on a, c'est Les Cœurs de Sartène qui ont enregistré des chants sacrés et profanes en live à la chapelle impériale d'Ajaccio. Exactement. Le morceau qu'on va passer, c'est un Ave Maria d'Orazio Todo. Ah, tu le sais peut-être mieux. Oratorio Terranea, excusez-moi. Oratorio Terranea. Tu le prononces mieux que moi. Donc, on s'écoute ce très bel Ave Maria et on se retrouve juste après sur bien. Radio Gemozo. Merci. Thank you. vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM, toujours dans l'émission de l'heure des loups. Et ce que vous avez écouté à l'instant, c'est un Ave Maria, contrairement à la blague que Mika a fait hors antenne, de Jean-Paul Poletti et le chœur de Sartène. Donc ils sont en concert le samedi 21 juillet à 20h45 à l'abbatiale Saint-Pierre de Remiremont. Si vous voulez gagner des places, c'est toujours possible, hein, appelez sans aucun problème au 03 29 62 40 40. Voilà, c'est avec plaisir qu'on vous offrira des places pour le concert. Et comme on disait juste avant, hein, la culture corse, c'est quand même une culture assez vaste, assez importante et très différente de la culture française métropolitaine quand même. Du moins moi, c'est ce que j'en ressens. Parce que le chœur de Sartène, à travers son concert, emmène une partie de la culture corse avec elle. Absolument, oui, puisque la culture corse, c'est une culture donc qui est multiséculaire. On peut dire que la Corse, on ne va pas refaire l'histoire de la Corse, parce que c'est quand même assez complexe, mais la plus grande qualité des Corses aujourd'hui, alors que les gens vont souvent en vacances là-bas, dans des systèmes organisés, des tours opérateurs, des choses comme ça, la plus grande qualité des Corses, c'est l'accueil, c'est l'hospitalité. Et quand vous arrivez en Corse, vous êtes complètement surpris par cette chaleur humaine. Et comme le dit très bien Jean-Paul Poletti dans ses différentes interventions, aussi bien publiques que privées, depuis la création du groupe Le Chœur de Sartène en 1995, son rôle essentiel, c'est de transmettre au public une partie d'eux-mêmes, ce groupe. Et là, je peux vous dire qu'ils y réussissent d'une façon magistrale, puisque quand on entend un concert de Jean-Paul Poletti, même si on a déjà eu l'occasion d'entendre d'autres groupes polyphoniques corses comme Imo Brini, etc., on retiendra d'eux leur chaleur présente pendant tout le concert, et surtout, en fin de concert, je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard, oui. Il y a une surprise pour vos auditeurs. Voilà. Une surprise qu'il ne faudra certainement pas manquer. Mais d'ailleurs, c'est vrai qu'on a parlé depuis le début de l'émission de polyphonie corse, mais on n'a pas trop défini ce que c'est. Ben, la polyphonie corse, ce sont des chants qui sont interprétés a cappella la plupart du temps. Bon, certains comme Imo Vrine donc ont des instruments qui enjolivent un petit peu leur chant polyphonique, mais a cappella, ça veut dire donc chanter sans musique. Et lorsqu'ils chantent, ils ont chacun une tessiture différente et elles s'harmonisent par ce mariage donc qui est fait donc en symbiose entre les 5 ou les 6 chanteurs du groupe. Et chacun a le droit à sa particularité dans quasiment tous les chants qui sont présentés au programme. Il y en a 17. Et je peux vous dire que chacun, à un moment donné, va exercer donc ses talents personnels de choriste, mais avec une présence qui est très très très particulière. Et ça va plaire énormément aux gens qui ne connaissent pas encore la polyphonie. Voilà. Ceux qui la connaissent et qui l'ont déjà peut-être entendue, soit à la radio, soit sur place en Corse ou ailleurs, dans d'autres concerts, parce qu'ils font beaucoup de concerts, hein, pour faire un petit tour non exhaustif donc de Jean-Paul Poletti et les Chœurs de Sartène. Ils ont donc œuvré depuis 1995 dans le monde entier, sur des scènes très importantes, dans tous les pays, dans tous les, on peut dire quasiment les 5 continents, hein. Donc Mexique, Chine, Algérie, Maroc, Corée du Sud, États-Unis, Autriche, Belgique, Russie, Inde, Géorgie, etc. Vous voyez ? Oui. Donc la polyphonie, c'est quelque chose de très très particulier. Mais ça n'existe pas d'hier. Hein ? Oui. Voilà. Depuis le 9e siècle, il y avait des chants polyphoniques un petit peu partout sur la planète, quoi. Et après, s'il y a des endroits où ça s'est plus développé, en tout cas la Corse fait partie de là où ça a continué. Oui, ça fait partie de la tradition corse. D'ailleurs, dans toutes les petits villages, dans les familles corses, lorsqu'on chante, lorsqu'il y a des événements précis et importants du village, ça peut être la fête du village, ça peut être un mariage, ça peut être même pour des enterrements ou des événements très très spéciaux, il y a des chants polyphoniques. Ça vient naturellement chez eux. Voilà. C'est assez naturel, comme tu le disais. Et bon, pour que les choses se fassent naturellement, j'imagine qu'il doit aussi peut-être y avoir une cohésion de groupe ou un groupe qui n'est pas choisi au hasard. On n'a pas vraiment parlé des différents membres du groupe du chœur de Sartène. Ben, ils sont au nombre de 6. Et disons, dans le groupe, il y a 2 frangins, Jean-Claude et Jacques Tramoni. Il y a également Matteo Maestrini. Alors, je le prononce avec l'accent corse, mais je ne suis pas corse d'origine. Mais j'essaie quand même, du fait que je les ai pratiqués pendant une trentaine d'années, et que j'apprécie beaucoup tous les groupes corses, quels qu'ils soient, j'essaie de ne pas écorcher un petit peu la traduction. Alors, Jean-Paul Paulette, bien sûr, c'est le créateur du groupe. Il y a également Jean-Louis Blénaud, qui n'a pas un nom corse, mais qui est parmi le groupe. Et le plus jeune d'entre eux, c'est Stéphane Paganelli, qui a une voix vraiment extraordinaire. Voilà. Par rapport à la composition du groupe, pourquoi on dit Jean-Paul Politi et le chœur de Sartène, Jean-Paul Politi est mis en avant? C'est par rapport à son rôle, il est soliste? Lui, il est soliste, oui. Non seulement soliste, mais il est en plus... le créateur du groupe d'abord, et ensuite il a mis enfin la ville de Sartène en évidence en créant le chœur de Sartène, parce que pour lui, il veut, c'est une forme d'humilité un petit peu, c'est-à-dire il veut pas être le Tino Rossi ou le Napoléon du groupe, quoi. Il veut rester un petit peu en retrait, mais malgré tout sur scène il a une présence qui est très très évidente, hein. Et de toute façon, comme on le disait précédemment, la polyphonie, qu'elle soit corse ou d'ailleurs, c'est l'harmonie, si vous voulez, des voix qui se mélangent bien et qui font donc avec des tonalités, des fois des tierces, des quartes, etc. Donc ça veut dire que les chants sont harmonieux dans le sens où il n'y a pas, comme dans une chorale, les gens qui chantent sur une tonalité unique. Là, chacun a sa tonalité et ça s'harmonise très bien. Voilà. Quand tu parles de chants, tu peux nous expliquer un petit peu le répertoire de ces chants polyphoniques? Est-ce que les gens pourront entendre ce samedi à l'abbatiale de Remiremont? Ben oui, il y a au programme 17 chants qui sont quand même présentés comme dans tous les endroits où ils se produisent. Et parmi ces chants, il y a des chants, bien sûr, qui sont profanes, d'autres qui sont religieux. On peut dire que le chœur de Sartène et Jean-Paul Paulette sont des gens qui sont très proches de la religion, qui est la religion majeure en Corse, le catholicisme. Ce sont des chrétiens. Alors, il y a beaucoup de gens qui viennent les voir et qui ne sont pas obligatoirement. Il y en a qui sont athées, il y en a qui sont absolument très fans de la polyphonie corse depuis longtemps. Mais la majorité des gens qui viennent, aussi bien les gens adultes que les enfants, d'ailleurs il faut souligner, on en dira quelque chose tout à l'heure, les enfants de moins de 12 ans accompagnés d'une personne qui a pris un billet pour ce concert, peuvent venir écouter et découvrir la polyphonie corse gratuitement. Voilà. D'ailleurs, tant que j'y pense, c'est vrai que tu as parlé de religion. J'imagine que tu sais peut-être la religion a une part très importante dans la culture corse, donc par conséquent dans les chants polyphoniques corses. Oui, on peut le dire, puisque en Corse, il y a des églises chrétiennes catholiques dans tous les villages corses. Je ne vois pas un village... Si, il y a quelques... village quand même comme Cargèse, où il y a des églises, disons, d'origine grecque. Alors là, il y a des popes, c'est un petit peu différent. Mais la grande majorité encore, c'est quand même des églises catholiques. Voilà. Oui, et ce qui est véhiculé aussi à travers les chants polyphoniques qui sont pour certains des chants religieux, ça y est, j'ai bugué un instant. Surtout le morceau suivant qu'on va s'écouter. Tu as une autre question ou peut-être s'écouter un autre morceau, Mika? Écoutons, que les gens se rendent compte de ce qu'ils pourront voir et entendre ce samedi. Alors, petite particularité, on a décidé de ne pas passer que des morceaux qui passeront en concert, histoire que vous découvriez un petit peu ce que les artistes ont dans le ventre sans vous spoiler tout le concert quand même. Bien sûr. Mais le morceau suivant qu'on s'écoutera, c'est Dies Irae. Bon, je pense que tout est dans le titre. Hein. Oui. Donc, on s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après Très bien. Radio Gemozo. Yes, De retour sur Radio Gemozo 107 FM. Vous venez à l'instant d'écouter le morceau Dies Irae de Jean-Paul Politi, le chœur de Sartène, qui se produira ce samedi 21 juillet à 20h45 à l'abbatiale Saint-Pierre à Remiremont. Et si vous voulez gagner des places, c'est encore possible, n'hésitez pas à appeler à tout moment au 03 29 62 40 40. Et puis voilà. Ça, c'est les informations de base. Et puis, n'hésitez pas aussi, si vous voulez juste passer un coucou à l'antenne, vous pouvez aussi réagir sans aucun problème sur la page Facebook. J'ai les ordis d'ouvert, vous le savez très bien. Donc, on est toujours avec Jean-Claude Bouvarel et Mika pour mettre en avant le groupe pour le concert. Et il y a une question qui m'est venue. C'est laquelle ? Que j'ai oubliée. Ça y est, c'est... T'as oublié la question ? Ouais, c'est du grand loup, ça, faut pas s'inquiéter. Si, d'après ce que j'ai compris, Jean-Claude, c'est toi qui as organisé le concert, c'est bien ça ? Ah non, pas du tout, non, ça a été organisé et prévu. Enfin, disons que j'ai quand même... Non. Mika avait donc bien enregistré ce qui était donc les préliminaires de ce concert, c'est-à-dire que Le groupe donc est assuré grâce à Gérard Cédru Musique qui est à côté de Paris et qui s'occupe de les mettre en concert dans différentes villes de France. D'ailleurs, ils sont en concert, on peut dire, 4, 5, 6, 8 fois des fois dans le mois. Donc, en ce qui concerne la date qui avait été prévue initialement, c'était un concert qui était prévu donc une date bien, bien antérieure à celle d'aujourd'hui, et malheureusement ça ne cadrait pas avec l'emploi du temps et le programme donc de l'église abbatiale Saint-Pierre de Remiremont. Donc on a déporté ce programme, en accord bien sûr avec les ecclésiastiques, avec le prêtre donc du rue qui est donc de Remiremont, qui officie à l'abbatiale Saint-Pierre, et donc on a choisi le 21 juillet. Par contre, j'ai réussi à voir le groupe Jean-Paul Poletti, le Cœur de Sartène, à la date préalablement donc établie, et dans ma ville natale, à Bellegarde-sur-Valserine, dans l'Ain, et là je peux vous dire que l'église était pleine à craquer, et on a vraiment passé un moment exceptionnel. Voilà. Oui, parce que d'ailleurs, il me semble que tu connaissais déjà le groupe avant, tu l'avais déjà rencontré. Je l'avais déjà rencontré donc dans ma ville natale, et c'est là où on a fait connaissance d'une façon approfondie. Beaucoup d'amis que j'ai en Corse sont connus de Jean-Paul Poletti, et on a pu donc dialoguer, disons, à l'entracte et puis à la fin du spectacle. Alors il faut que vous sachiez une chose, c'est que lorsque Jean-Paul Poletti et le Cœur de Sartène se produit, vous avez la possibilité, pour ceux qui le souhaitent et ceux qui auront été enchantés par ce concert, de vous procurer sur place le CD que vous avez en main, d'ailleurs, ce CD magnifique. Oui, enregistré d'ailleurs à la chapelle impériale d'Ajaccio. C'est exact. Et d'autre part, un DVD également, qui est donc proposé par le groupe Le Cœur de Sartène, qui est magnifique, et qui sera présenté au prix de 20 euros chacun. Donc si ça vous intéresse éventuellement d'en ramener un petit peu à la maison de la polyphonie corse, il n'y a pas de souci, tout sera prévu le soir du spectacle donc à l'abbatiale Saint-Pierre de Remiremont. Voilà. Tout sera possible en effet. Alors je suis, pour répondre à la question que tu me posais, je suis un coordinateur de Gérard Sedru pour assurer un petit peu la promotion de ce concert. Alors la promotion de ce concert, c'est pas compliqué, hein. Il y a en premier Radio Gémozo. Ensuite, il y a bien sûr la presse écrite. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un hebdomadaire que tous les Romarimontins connaissent, l'Écho des Vosges, oui, qui en fait état dans ses colonnes. Et la voix, disons, le journal hebdomadaire, le journal quotidien, pardon, que tout le monde connaît, Vosges Matin, sur son site également, en fait état largement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des gens font du bouche à oreille. Et ça porte ses fruits. Voilà, j'ai remarqué une chose, on en parle à des gens et ils ont dit, la majorité, oh ben j'ai entendu parler de ça par un tel, etc. Donc c'est bien qu'il y ait cette synergie pour que le spectacle soit vraiment réussi. Je pense qu'on y arrivera. En effet, vous y arriverez. Et bah tiens, on n'a qu'à, comme on est dans l'organisation, on peut peut-être parler de ce qu'il en est au niveau technique, la capacité d'accueil, les prix et peut-être l'adresse aussi, oui, précisément de l'abbatiale pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, alors l'abbatiale Saint-Pierre, c'est quand même la grande et plus belle église de Remiremont. De toute façon, il n'y en a qu'une grande et plus belle, c'est l'abbatiale Saint-Pierre. Alors elle est située à Remiremont, à la place Henri Huttard. Alors la place Henri Huttard, c'est très simple, c'est dans le centre-ville, c'est pas très loin de l'hôpital, c'est pas très loin de la place qui est donc dans la partie haute de la ville. Les gens pourront trouver très facilement. La billetterie a été assurée à deux points de vente de billetterie à Remiremont. D'une part, la tabatière qui est 50 rue Charles de Gaulle. Et d'autre part, le Capucin. Le Capucin, c'est un endroit où on peut acheter de la presse, jouer les jeux, la Française des Jeux, etc. Le tabac également. Et là, c'est 87 rue Charles de Gaulle. Donc ça va être une billetterie qui va être donc sur place. Les gens peuvent acheter des billets au prix unitaire de 20 euros. Et les enfants accompagnant ces gens qui ont un billet de moins de 12 ans peuvent rentrer gratuitement voir le concert, voilà. Et alors, la billetterie, ça sera en place dans ces deux points de vente jusqu'au samedi 21 à 19h. Et de 19h30 à 20h45, début du concert, à l'entrée de l'abbatiale Saint-Pierre, il y aura donc des points de vente pour ceux qui se seront pris au dernier moment. Voilà. Mais ne tardez pas quand même, il est quand même conseillé de réserver et d'acheter son billet avant. Voilà. Et d'ailleurs, tu as dit combien il y a de capacité d'accueil à l'abbatiale ? Alors, la capacité d'accueil de l'abbatiale, qui a une acoustique merveilleuse, parce que j'ai déjà assisté à d'autres concerts dans l'abbatiale Saint-Pierre, c'est de l'ordre de 650-700 places. Ah, c'est pas mal. Oui, c'est bien. Assise, hein, place assise, voilà. En effet, donc ça c'est sur l'organisation, le plan technique. Tu avais juste dit aussi en off, pour, comme on a indiqué l'adresse pour ceux qui ne connaissent pas, donc pour venir en GPS, tant qu'à faire, pour ceux qui connaissent le Champ de Mars, on en profite pour le dire, il sera occupé par un autre événement, donc oui. Pas la peine d'essayer de se garer là. Non, le Champ de Mars sera occupé par un autre événement, mais il y aura des places de parking dans toute la ville. Et il faut savoir que la ville de Remiremont, à partir de 20h, vous n'êtes pas obligé de payer votre parking. Donc on peut se garer dans toute la ville, alentour de la Bastiale Saint-Pierre, il y a des places. Hein. Mais enfin, il vaut mieux quand même arriver un petit peu en avance, c'est mieux. D'abord pour les gens qui préfèrent être proches donc, de Jean-Paul Poletti et du cœur de Sartène, il vaudrait mieux qu'ils viennent à partir de, je dirais, 20h si c'est possible, ce serait bien. Comme ça, ils auraient les meilleures places, voilà. D'ailleurs, parce que ce ne sont pas des places numérotées. Hein. Oui. Les premiers arrivés peuvent prendre les meilleures places devant. Quoi. Et tant que j'y pense, comme tu as dit, hein, venir tôt, ou, voilà, avoir les meilleures places, être au plus proche des artistes, j'y pense donc qu'il y a le concert. Est-ce qu'il y aura quelque chose juste après, comme une discussion, un pot, une rencontre ? Oui, absolument, parce que Jean-Paul Poletti, le cœur de Sartène, va séjourner pour la nuit. Donc après le concert, il faut savoir qu'ils ne vont pas rester avec tout le public pendant plus d'une demi-heure parce que ils auront peut-être envie de se restaurer. Bien sûr. Et c'est prévu dans leur programme. Donc je pense qu'ils pourront quand même dédicacer parce que c'est leur rôle. Hein, ils le font très facilement. Ils dédicacent des autographes à ceux qui les souhaitent et ils dédicacent éventuellement des objets qui seraient achetés par ceux qui seraient vraiment intéressés par la polyphonie corse de Jean-Paul Poletti et le cœur de Sartène. Moi personnellement, je leur avais acheté justement un CD et un DVD et ils me l'ont dédicacé. Voilà. D'ailleurs, tiens, c'est vrai, en parlant de CD et de DVD, on n'a pas trop dit déjà depuis quand le groupe existe, il me semble. Si, je l'ai dit tout à l'heure. Tu l'as dit ? Oui. Donc, depuis le temps qu'ils existent, je crois 95, c'est si ça, je ne me trompe 1995. Pas. Ils en ont quand même fait, ils ont enregistré des CD, donc ils ont peut-être une certaine discographie. Absolument. La discographie donc, de ce groupe est simple. Ça a commencé donc, en 2003 avec un CD qui s'appelle Cantu Diatera. Et c'est un premier album enregistré par les six qui composent le groupe actuel, d'ailleurs les six membres. Et cet album se veut un retour aux sources pour le groupe, car c'est un album de pure polyphonie. Malgré tout, on sent toute l'influence de la formation classique de ses chanteurs, ce qui en fait un disque à part entière dans l'univers de la polyphonie corse. Une touche sartenaise. Parce qu'il faut quand même savoir que dans la polyphonie corse, il y a des touches qui sont un petit peu dans chacun des régions de la Corse. Elles sont nombreuses, hein, les régions de la Corse. C'est pas seulement deux départements. Disons que chaque grande ville corse à son originalité et son chauvinisme. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui, oui. D'ailleurs, tiens, une question qui me vient d'un coup. Mais je te laisse continuer sur la discographie. Oui. Alors ensuite, il y a eu en 2006 l'oratorio Terra Mer. Et là, c'est un très, très beau CD également. Cet oratorio signifie la route d'un peuple entre ombres et lumières. Dans le noir et le blanc, des espérances séculaires et des mystères imprégnés par les encres païennes que la religion a parfaitement intégrées. C'est dans ce cadre que Jean-Paul Poletti a créé l'oratorio Terra Mer, cette création musicale qui s'articule autour du jeu de deux langues, corse et latine, et de la symbolique de toutes les musiques, de la monodie à la polyphonie, se présente sous la forme de l'oratorio, forme ancienne du théâtre religieux, qui met tout particulièrement en valeur les voix à l'instar de l'opéra. Donc l'oratorio Terra Mer, je peux recommander, on peut le trouver hein, dans le marché des CD, puisque eux ne l'auront pas, peut-être en diffusion lorsqu'ils seront ici à Remiremont samedi, mais on peut se le procurer par ailleurs, il n'y a pas de problème. Ensuite, il y a pour leur 20e anniversaire, en 2015, ils ont fait un très bel album, donc Polyphonie Corse, Chant Sacré et Profane, qui a été enregistré en live à la Chapelle Impériale d'Ajaccio. Et c'est celui-là qu'ils proposent. Voilà. La chapelle impériale a été fondée par le cardinal Fesch, donc on ne va pas revenir un petit peu dans l'histoire de la chapelle impériale d'Ajaccio, mais c'est quand même à cet endroit-là, si vous voulez, que pour le 20 ans de la création du groupe, ils ont fait un CD très abouti. Voilà. Et enfin, donc on peut dire dans leur discographie, leur fameux DVD que j'ai acheté et qui est vraiment magnifique, oui. Et qui s'appelle Viaggio un polifonia, ça veut dire voyage en polyphonie en Corse, hein. Je le prononce pas trop bien. Au commencement était Sartène, et le cœur était à Sartène, et le cœur était Sartène. Alors il faut comprendre dans cette présentation que quand Sartène a été créé, il y a eu déjà à l'origine donc des chœurs qui chantaient en polyphonie, mais ça remonte à des centaines, voire des milliers d'années. Hein. Sartène, citadelle de granit au vent d'éternité où nous puisons notre force. Elle est le point de départ et le lieu où nous revenons toujours. Depuis tant d'années, le groupe voyage dans le monde à la découverte de la terre, à la rencontre de femmes et d'hommes, avec la volonté de tisser ce lien d'amour avec le public. C'est, et cela restera notre essentiel, que nous cheminions du nord au sud, d'est en ouest, dans la clarté d'une nef illuminée, où, à la lumière d'une chandelle, la musique nous porte, nous transcende et nous relie. Le cœur de Sartène est un cœur voyageur. Nous vous livrons ici un petit voyage dans ces lieux que nous sont proches, et chers. Je lis parce que la discographie est assez longue, mais là il faut quand même faire une petite aparté là-dessus. Dans ce DVD, vous y trouverez le granit et le ciel, la mer et le soleil, les oliviers et les croix, mais surtout les hommes de cette terre. Voilà. Donc ça c'est pour la discographie du groupe, hein, Jean-Paul Poletti et le cœur de Sartène. Et tu m'as parlé, c'est vrai, juste avant, de quelque chose qui avait fait le tilt cette fois-là, je ne l'ai pas oublié. C'est quoi ? L'antagonisme. L'antagonisme et l'espèce de sentiment d'identité sur un territoire assez défini. Parce qu'il me semble déjà, même si je ne connais pas très bien la Corse, je sais déjà qu'Ajaccio et Bastia se tirent un peu la bourre, on va dire ça comme ça. Oui, dans le domaine sportif principalement, mais sur le plan historique aussi, oui, parce qu'il y a eu quand même deux grands hommes très célèbres. D'une part, Pascal Paoli, qui était donc à Bastia, et ensuite, bien sûr, Napoléon Bonaparte, qui est né à Ajaccio. Mais ça, je pense que quand on est à l'école, on l'apprend. En Corse, on l'approfondit un peu plus, bien évidemment. Mais je pense que tous les élèves français du continent ou de l'île de Beauté, la Corse, ont quand même des notions de tout ça. Et cet antagonisme, a tendance maintenant à un petit peu s'estomper malgré tout, parce que les chants polyphoniques sont multiples en Corse, mais ils sont très rassembleurs quand même. Parce que pour en revenir au fait du rassemblement et des chants polyphoniques, Jean-Paul Poletti, alors si je ne me trompe pas, est né à Ajaccio et a commencé son apprentissage à Bastia. Oui, absolument. Donc ça prouve bien une chose, c'est que quand on est en Corse, on a la possibilité d'apprendre ou la musique d'un côté, ou sa scolarité de l'autre, etc. Mais en règle générale, les Corses sont solidaires entre eux, même s'il y a des antagonismes de clocher, je dirais. Parce que même des fois, d'un village à un autre, il y a une certaine fierté. C'est pas de l'antagonisme belliqueux, c'est de la fierté. Voilà. Et oui, on va retrouver cette fierté à travers une nouvelle pause musicale. D'ailleurs, si tout va bien techniquement, on aura Gérard Cédru au téléphone assez brièvement. Donc, on va s'écouter un morceau, hein, où l'Lamento di Gesù, oui. Gesù. Lamentation de Jésus, oui. Un très beau morceau. Donc, on s'écoute ce morceau, oui. Et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. No. De retour sur Radio Gemozo 107 FM. Vous venez à l'instant d'écouter le morceau Oulamentu di Gesù, une lamentation de Jésus, toujours de Jean-Paul Poletti et le chœur des Sartènes, qui seront samedi 21 juillet à 20h45 en concert à l'abbatiale de Remiremont. Il y a toujours des places à gagner, toutefois. L'antenne est occupée en ce moment par le producteur du groupe, Gérard Cédru. Bonsoir Gérard. Bonsoir à tous. Et je répète encore une fois qu'on est toujours à l'antenne avec Jean-Claude Bouvarel et Mika, toujours pour mettre en avant ce groupe pour ce concert imminent. Bonsoir Gérard, c'est Jean-Claude. Oui Jean-Claude, bonsoir. Alors Gérard, dites-moi, vous êtes le producteur de ce groupe, vous les suivez depuis le début ? Ben, ça fait 25 ans, voilà. Ah oui, alors, 25 ans ? Oui, oui, Jean-Paul Poletti a fondé ce groupe. Alors c'est une je peux vous raconter ça, c'est-à-dire que moi je recherchais, à l'époque je travaillais pour les petits chanteurs à la Croix-de-Bois, j'ai fait 50 ans avec eux, hein. Et donc je voulais trouver un endroit où on pourrait faire le dernier disque des petits chanteurs. Et un jour je rencontre Jean-Paul en Corse, je ne le tutoyais pas encore, je lui dis, est-ce que vous pensez qu'on pourrait venir en Corse faire un enregistrement, j'ai mon technicien, j'ai tout ce qu'il faut, voilà, pas de problème, je vous trouve ça, si bien que les petits chanteurs sont partis à Serra de Scopamène, c'est un tout petit village, et donc j'enregistrais, et dans la journée, les petits chanteurs, puisque la nuit, il valait mieux qu'ils dorment, et je dis à Jean-Paul, je lui dis, bah, écoute, dis donc, est-ce que tu as un disque de ton cœur? Il dit, non, j'en ai pas. Là, je lui dis, écoute, si tu veux, à 9h, entre 9h et point d'heure, eh ben, on fera ton premier disque. Et donc, on a fait un premier disque. Et après, bon, ben voilà, le cœur a pu, je vais dire, vendre sa musique avec du son. Voilà. En effet, et pour vendre la musique, tant que j'y pense, donc vous connaissez quand même le groupe donc depuis ses débuts, depuis 25 ans, vous les avez suivis partout, vous les connaissez extrêmement bien. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs romarimontains, un argument vraiment pour ne pas qu'ils loupent le concert? Il est très facile, mon argument. Si vous venez à ce concert, vous aurez ce soir-là la référence en polyphonie corse, traditionnelle et religieuse. Attention, la polyphonie corse, ce n'est pas, je n'ai rien contre eux, mais ce n'est pas de la variété, comme le chante le groupe Mouvrini. Non, la polyphonie corse, c'est des chants classiques, religieux et traditionnels. Voilà. Donc, et vous aurez ce soir-là la référence en polyphonie corse. Donc le label est facile à trouver. C'est pas une sous-marque de polyphonie, vous aurez ce soir-là le groupe qui représente, je dirais, la Corse à travers le monde. D'ailleurs, petit aparté assez rapide, vous avez donc un groupe qui représente vraiment la Corse, hein, la référence en polyphonie. Est-ce que vous avez d'autres groupes références dans leur domaine? Ah, il y en a d'autres, oui, il y a Barbara Fortuna, il y en a d'autres, il y en a beaucoup. Et vous savez, le public, enfin le peuple corse, hein, vous les mettez dans un bar, ils boivent le casa, parce que c'est le casa, hein, c'est pas dans le cas, et bien ils se mettent à chanter. S'ils sont, ils ont ça dans la peau, j'allais dire. Hein. Oui. C'est un peuple où on chante beaucoup. Oui, un peuple où on chante beaucoup. D'ailleurs, en parlant de chanter, Jean-Claude, tu m'avais dit qu'il y aurait une petite surprise, un dernier argument aussi pour nos auditeurs. Ah oui, absolument. Mais si je révèle déjà d'une façon absolue et complète cette surprise, ça n'en est plus une. Ah. Donc il vaut mieux quand même laisser à tous nos auditeurs, et je suis sûr qu'ils vont être nombreux à pouvoir s'enthousiasmer sur ce concert exceptionnel, parce que c'est un concert exceptionnel dans toute la Lorraine. Hein. Et donc le cœur de Sartène de Jean-Paul Poletti a ce site particulier, c'est qu'il va créer à la fin du concert une symbiose avec le public. Et je vous dis pas quoi, voilà. Oui, je vois ce que tu veux dire. Bonjour Gérard, je suis Mickaël. J'aimerais vous demander, on entend souvent parler du terme de producteur, mais nous, le grand public, on ne sait pas forcément ce que c'est qu'un producteur. Quel est son rôle concrètement? Qu'est-ce que vous faites auprès des artistes? Alors écoutez, d'abord je suis producteur, c'est vrai. Alors le producteur, c'est la personne qui prend en charge un artiste, qui lui donne, qui lui paye un cachet. Alors c'est un groupe, c'est un fixe pour tel ou tel groupe, hein, voilà. Il les prend en charge. Et mon rôle aussi, c'est, je suis aussi tourneur. Je ne suis pas tourneur sur moi, mais je suis tourneur. C'est-à-dire je monte des tournées à travers le monde, la France, Et donc, si vous voulez, le producteur prend ses responsabilités. Il finance tout, et bon, il prend la recette, s'il y a une recette, hein, et puis, bah, s'il n'y en a pas, bah, il paye tout le monde quand même. Vous voyez, c'est ça le producteur. C'est mon métier, je vais vous dire, c'est un peu un casino. C'est-à-dire qu'un soir, ça marche, le lendemain, ça ne marche pas. On ne sait pas. Le public peut venir très très nombreux. On a été par exemple à Chauffail dernièrement, je ne sais pas si vous connaissez Chauffail, il y a 3000 habitants. On a eu 514 personnes. Donc vous voyez, et le lendemain, ça a bien marché aussi. On était à Tain-l'Hermitage, on a eu plus de 300. Bon, mais on peut avoir, si vous voulez, dans les 10 jours, on peut avoir un public qui sera pas au rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'il y a bien des critères. Est-ce qu'il y a un bon film le soir à la télé? Est-ce qu'il y a un match de foot? Est-ce qu'il y a... On peut pas le prévoir, mais les producteurs, on peut le prévoir. Mais quand on monte nos tournées, c'est toujours 6 mois avant, vous comprenez? Ou alors, il y a un orage, les gens sortent plus. Vous voyez? Donc, mais c'est passionnant, mon métier. Puis alors, c'est un métier de contact, surtout. Vous voyez, la preuve, on est en contact maintenant. Qui aurait dit qu'on allait être en contact? On peut aussi dire que vous êtes un découvreur de talent, c'est aussi ça, producteur? Ah oui, alors là aussi, parce que je m'occupe de Jean-Paul Pelletier, le cœur de certaines, mais je me suis occupé de beaucoup de groupes. Là, par exemple, je m'occupe d'un ensemble ukrainien qui s'appelle Les Cordes et Voix Magiques d'Ukraine. C'est un ensemble où il y a 6 jeunes femmes, plus un homme, qui chantent, bien entendu, des chants traditionnels et religieux, même de l'Ukraine, et qui ont l'originalité de s'accompagner avec un instrument méconnu qui s'appelle la bandoura. Bandoura, ça a une forme de gros jambon, et il y a 65 cordes, et ça a le son de la harpe. Voilà. Donc vous voyez, je m'occupe d'eux, j'ai fait venir un ensemble de Mongolie, j'ai fait venir des Américains, j'ai fait venir, enfin voilà, plein de monde. Ce groupe d'ailleurs était venu à Remiremont. Oui, bah oui, vous les avez vus, oui, c'est vrai, oui, oui. Ouais, vous êtes spécialisé, d'après ce que j'entends là, dans la musique du monde. Oui, dans la musique du monde, traditionnelle. La voix, hein. C'est la voix, parce que je dois vous dire que moi-même j'ai été chanteur, même petit chanteur, et que j'ai chanté jusqu'à 27 ans, voilà. Et puis après, on m'a demandé de m'occuper des artistes, et donc j'ai créé une société, une SARL, hein, comme ça se fait. J'ai mes licences, et puis voilà, on part sur le monde après. Bon, après, c'est un métier de contact, comme je vous l'ai dit, il faut vraiment avoir de bons contacts. Et malheureusement, avec mon âge avancé, tous mes contacts de mon époque, si on peut dire, les Morosi, les Jacques Martin, tous ces gens-là, ils sont plus là. Alors, maintenant, j'ai affaire avec des nouvelles têtes, si on peut dire, mais c'est facile aussi. Mais... quand vous avez un bon réseau, c'est mieux. Et quand on parle de découvrir des talents, est-ce que, j'imagine que donc vous faites ça depuis plusieurs décennies, les façons de découvrir ne sont plus les mêmes. Par exemple, maintenant, on passe beaucoup par Internet. C'est votre cas? Vous recherchez les artistes via le net? Pas du tout. Non, moi, je ne cherche rien du tout. C'est plutôt eux qui me cherchent. Hein, parce que des talents, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, c'est vrai, hein. Mais pour sortir de tous ces grands talents, il vous faut quelqu'un qui s'occupe de vous, un producteur, un tourneur, qui vous monte les tournées. Sinon, vous pouvez avoir beaucoup de talents, mais si vous n'avez personne derrière vous qui s'occupe aussi de la communication, d'un tas de choses, vous resterez toujours avec votre grand talent, mais méconnu. Donc, si vous voulez, entre les artistes et un producteur et un agent, on va dire, il y a une grande communauté, quoi. Ils savent très bien, comme moi, je peux pas travailler sans artiste, ils savent très bien qu'ils peuvent pas travailler sans producteur. Voilà. En parlant de talent. Et pour découvrir les talents, quand vous êtes dans le métier comme moi depuis plus de 50 ans, et que vous entendez une chorale ou un chanteur, vous savez tout de suite qu'il a du talent d'abord et ce que vous pouvez en faire. Parce que c'est bien beau d'avoir du talent. Hein. Mais il faut aussi que l'artiste ait beaucoup de talent hors de son talent, c'est-à-dire en communication, il faut qu'il soit très proche du public. Il y a tout un... Si on prenez Lynn Renaud, par exemple, que je connais très bien, elle est adorable avec tout le monde. Elle sait que c'est par ça qu'elle a pu faire une longue carrière, vous comprenez. Mais Aznavour, c'est pareil. C'est un gars qui a un talent fou, mais en plus, il sait communiquer avec le public, vous voyez. Donc, des talents, il y en a dans le monde, il y en a plein. Et moi, je pars du principe qu'un Pavarotti, il y en avait certainement plus, et il y en a encore certainement dans le monde, mais il faut les découvrir, et puis qu'ils soient là au bon moment, voilà. En effet, et en parlant de talent, ce sera l'occasion de découvrir donc les talents de Jean-Paul Poletti et le Chœur de Sartène pour les Polyphonies Corses samedi 21 juillet à 20h45 à l'abbatiale Saint-Pierre de Remiremont, donc place Henri Huttard. Vous pouvez toujours appeler pour gagner des places, vous inquiétez pas, enfin dans les médias c'est pas possible, hein, mais hors antenne vous pourrez appeler au 03 29 62 40 40 jusqu'à ce que je sois présente dans les locaux. Et sinon c'est en prévente à la Tabatière ou au Capucin à Remiremont. Le prix d'entrée est de 20 euros, donc je pense que ça c'est les informations nécessaires parce que malheureusement le temps va nous manquer pour montrer plus, mais j'annonce déjà que je passerai juste après le générique, ça arrive de temps en temps, un autre morceau, le morceau Donna Nera, comme ça on pourra en découvrir un autre. Oui, Jean-Claude, tu me fais des signes, mais je parle pas trop cette langue là. Voilà, pour tous les auditeurs qui vont vraiment se régaler en venant donc à ce concert de Jean-Paul Poletti et le Chœur de Sartène, samedi 21, donc tu as dit la date, oui. 20h45 à l'abbatiale Saint-Pierre de Remiremont, je vais vous dire au revoir en Corse. Arrivederci. Arrivederci, en effet, enfin du moins moi je le prononce plus à l'italienne, parce que ça va déjà être le moment de se dire au revoir, vu que ça y est, on entend un petit peu le générique. Donc qui dit générique dit programmation, et enfin au revoir, et puis voilà. Donc à partir de 20h, ce sera l'émission Jukebox qu'on pourra écouter sur le 107FM, suivi à partir de 23h de l'émission Rock à la Casbah, et de minuit à 1h, la rediffusion de La Bulle de l'IA, qui a reçu ce midi une émission pour parler de vélo, donc Labyrinthe Bikes. Sinon, la rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant, c'est demain matin, 7h-8h. Et pour les petits curieux qui n'ont pas la patience d'attendre demain matin, elle sera en podcast sur notre site radiogemozo.eu, rubrique L'heure des loups, ou sinon sur notre page Facebook Radio Gemozo. Et puis sinon, on se retrouvera demain 18h-19h. Mika, dis-moi, le vendredi, qu'est-ce que c'est ? Billet de sortie. Bingo, ça y est, tu retiens la leçon. Au bout de trois fois, ça y est. C'est moi, je suis lent à comprendre, mais ça y est maintenant. Donc tu diras aux auditeurs ce qu'ils pourront faire pendant le week-end et plus encore. Oh là là, mais quelle belle pub, Mika, merci beaucoup, je devrais te signer un contrat. En effet, donc en tout cas, merci Mika, merci Jean-Claude, merci Gérard pour votre présence, pour votre temps, hein, c'était très très précieux, toutes ces informations, c'était vraiment un plaisir de faire cette émission avec vous. Merci à vous. Je vous attends, je serai à l'entrée, donc vous pourrez me voir et me poser des questions si vous le souhaitez aux auditeurs. Très bien. En effet, c'est noté, merci beaucoup Gérard. Merci, bonne soirée. Bonne soirée Gérard. À dopo. Merci. Au revoir. Au revoir Gérard. Au revoir. Et au revoir. Aux auditeurs aussi, au revoir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve demain, même heure. Et en attendant, bonne soirée à tous. Bonsoir.